Le portrait par André Theuriet. Tiens, le chantre, écoute ce que dit le Figaro. Un renseignement très intéressant pour les collectionneurs nous est envoyé par un abonné de la Bretagne. Notre correspondant affirme avoir vu dans un manoir du XVIe siècle, situé aux environs de Douarnenez, entre Pontcroix et la pointe du Raz, un portrait de Marguerite de Valois, peint par François Clouet. Fichtre, un Clouet, tu crois ça à toi? Laisse-moi donc achever. Ce portrait qui représente la reine Margot à 18 ans, de trois quarts, les cheveux frisottés et relevés sur les tempes, sera celui que Nico, l'ambassadeur de France à Lisbonne, remit à Don Sébastien quand il fut question d'une alliance avec le Portugal. Ce n'est pas, du reste, le seul intérêt qui s'attache à ce manoir breton perdu en pleine lande. Il paraîtrait que c'est dans cette même demeure que les Girondins, Pétion et Barbaroux, errant en Bretagne et proscrits après le 31 mai, aurait trouvé un asile en 1793. Les amateurs sont avertis. Diable, et le nom de ce manoir historique? Le journal ne le dit pas, répondit le jeune homme qui venait de lire ce passage. Le correspondant a oublié d'éclairer sa lanterne. Cette conversation avait lieu un matin d'août, dans un atelier situé au rez-de-chaussée d'un vieil hôtel du Quai Bourbon, entre deux hommes encore jeunes, qui flânaient en veston de travail, dans la grande pièce haute de plafond dont les murs étaient entièrement couverts d'études et de tableaux. Par les deux larges fenêtres, une lumière gaie et limpide pénétrait librement et éclairait en plein les figures très dissemblables des deux interlocuteurs. Celui qui avait lu le journal et qui se nommait Jacques de Lavandière était un grand garçon d'une trentaine d'années, de belle tournure, à la voix chaude et sonore, aux yeux lumineux, aux cheveux d'un noir bleu et à la barbe noire, frisée comme celle d'un dieu assyrien. Très poète et possesseur d'une fortune indépendante, il avait la chance de pouvoir s'absorber dans le culte de son art sans être troublé par le souci du pain quotidien. Aussi connaissait-on de lui une série, malheureusement trop peu nombreuse, d'impeccables sonnets, aux belles rimes rares, exquises, resplendissantes, comme des pierres précieuses enchâssées dans de l'or. L'autre, qui répondait au nom de Francis Le Chantre, et qui, en ce moment, assis devant un chevalet, retouchait finement une étude de dessous de bois avec un coin d'étang, faite la veille aux environs de Paris, était petit, maigre, alerte, avec un profil d'oiseau, l'œil émerillonné et la bouche gourmande, sous une moustache coupée en brosse. Il pouvait avoir 40 ans, paraissait plus jeune que son âge, et joignait à une physionomie très mobile ses gesticulations expressives, toutes spéciales aux artistes et surtout aux peintres. Léger comme un oiseau, Francis Le Chantre traversait les chemins de la vie en les effleurant du bout de l'aile et ne s'y posait que lorsqu'il y trouvait une place ensoleillée à son gré. Pour lui, il n'y avait de sérieux au monde que ce qui touchait à son art. Le reste, philosophie, politique, morale, était classé dans la catégorie des choses prosaïques et ennuyeuses. Trouver un ton juste, faire chanter une gamme de couleurs, rendre avec précision un jeu de lumière, c'était son unique préoccupation. Il produisait peu, travaillant mystérieusement et minutieusement. De temps en temps, il arrivait après un paysage très poussé, plein de détails très délicats et très vrais. Il le vendait fort cher, et vivait là-dessus, pendant des mois, satisfaisant voluptueusement une enfantine sensualité de poète, plus éprise de la sonorité des mots que de la réalité des choses. Son enthousiasme montait comme une mousse de champagne à propos d'une fleur nouvelle, d'un beau vers, d'un joli profil de femme. Et de même, cette exaltation tombait à plat pour un rien. Un ton boueux, une fausse note, une pluie intempestive. « Hein ?» reprit Jacques de Lavandière, en allumant une cigarette. « Un Clouet inédit. Quand nous n'en avons que deux authentiques au Louvre, qu'est-ce que tu dis de ça ?»« Je dis que tout est possible. Seulement, l'entrefilet de ton journal ressemble à une charade, dont on ne donne pas le mot. Il y a peut-être 50 manoirs perdus dans la lande, entre Douarnenez et la pointe du Raz. Allez donc chercher là-dedans ce Clouet problématique. Oui, mais nous avons un point de repère précieux. Le manoir en question est celui qui a donné l'hospitalité aux Girondins, et dans le pays, tout le monde l'indiquera. Ce serait curieux si nous découvrions un troisième Clouet, et surtout le fameux portrait de Marguerite de Valois, peint à une époque où elle était dans la prime fleur de sa jeunesse, dans le plein de son amour avec Henri de Guise. « Allons, Francis, tentons l'aventure. nous nous demandions ce matin où nous pourrions bien passer notre automne. Partons à la conquête du Clouet. Allons à Douarnenez. Au fait, la Cornouaille, les champs de blé noir, les filles aux yeux pères et aux coiffes blanches, les manoirs enfouis dans les bois de hêtre, ça me va. J'en rapporterai des motifs savoureux. Va pour Douarnenez. Ils étaient tous les deux les hommes des résolutions promptes et des voyages improvisés. L'après-midi fut employé à préparer les valises, les sacs de touristes et tout l'attirail de peinture nécessaire à Le Chantre. Le soir même, ils prenaient le train de Bretagne et le lendemain vers midi, ils débarquaient à Quimper. Ils ne s'attardèrent dans la ville de Saint-Corentin que juste le temps nécessaire pour déjeuner, visiter la cathédrale, les vieilles façades de la rue Quéréon et la futaie de hêtre qui descend en pente vers Laudet. Puis, ils louèrent une voiture qui les cahota doucement, au trot de deux billets bretons, pendant 4 bonnes heures, de sorte qu'ils n'arrivèrent à Douarnenez qu'à la tombée du jour. Quand Jacques de Vandière et Francis Le Chantre pénétrèrent dans la longue salle à manger de l'hôtel du commerce, on commençait seulement à servir et les commensaux arrivaient lentement, les uns après les autres, prendre leur place accoutumée à la table en fer à cheval, autour de laquelle de bretonnes en coiffe de mousseline couraient, les bras chargés de piles d'assiettes. Autant qu'on peut juger les deux amis, après un premier coup d'œil, les convives, mâles et femelles, étaient tous des artistes. Les hommes alertes, jeunes et barbus, avaient comme un air de famille. Même toilette sans prétention, même physionomie observatrice, gouailleuse et bon enfant, avec ses clignements d'yeux familiers aux paysagistes. Les femmes exhibaient des types plus divers et plus tranchés. Il y avait là des Suédoises aux cheveux couleur de lin, aux gros yeux limpides, aux faces honnêtes et roses. Des Anglaises aux mentons fuyants, aux incisives saillantes, aux sourcils rares et aux cheveux roux tordus en colimaçon. Des Russes aux yeux félins, à la taille dégingandée, aux cheveux coupés courts, aux allures décidées et garçonnières. Toute figure exotique, pas un minois français, murmurait Le Chantre en dépliant sa serviette. Les nouveaux venus, encore ébobis de leur fatigant voyage, étaient allés tout bonnement s'asseoir sur deux chaises vides au centre du fer à cheval, sans se soucier des mines étonnées de leurs voisins. Tout à coup, Jacques sentit un doigt effleurer son épaule, tandis qu'une jolie voix musicale disait derrière lui « Pardon, monsieur, mais vous avez pris nos places. » Il se retourna en rougissant et se trouva en présence d'une jeune fille d'une vingtaine d'années, escortée d'une chambrière un peu plus âgée, qui portait le costume et la coiffe des filles de Fouesnant. Après s'être confondu en excuses, il tira Francis par la manche et ils allèrent honteusement s'asseoir à l'autre bout du fer à cheval. « Une gaffe pour commencer, » murmurait Le Chantre, « joli début. » « As-tu remarqué la jeune fille ?» demanda Jacques en s'installant à sa nouvelle place. « Ma foi non, j'ai été trop furieux d'avoir à déménager. Qu'a-t-elle donc de particulier ?»« Eh bien, mon cher, c'est le Clouet demandé. Regarde-la, quand tu le pourras. Elle est charmante. On dirait une tête du XVIe siècle, et bien française, celle-là. Avec ses frisons de cheveux châtains relevés sur les tempes, ses yeux noisettes, son nez mignon, sa bouche aux lèvres railleuses et spirituelles. » Pendant tout le dîner, ils se démanchèrent le cou pour essayer d'apercevoir la jeune fille, mais elle était masquée par la tête des autres convives. À la fin du dessert seulement, quand les commensaux commencèrent à s'éparpiller, ils purent voir l'inconnu qui traversait la salle de biais. « Sapristi, tu as raison, » chuchota Le Chantre émerveillé. « Ça y est, tout à fait. La coiffure, la coupe de la figure et jusqu'au corsage bouillonné qui est taillé à la mode du temps des Valois. Il me semble voir un sonnet de ronsard en chair et en os. » Un col de neige, une gorge de lait, en dame humaine une beauté divine. Et l'oreille, as-tu admiré l'oreille, rose et nacrée comme un coquillage d'amour? Ils s'étaient levés de table. Comme ils demandaient leur chambre, on leur apprit que l'hôtel était plein et qu'on était obligé de les loger en ville. Il leur fallut donc suivre un garçon d'écurie qui portait leurs bagages et se traîner à travers un dédale de rues caillouteuses, noires et imprégnées d'une nauséabonde odeur de rogue, jusqu'à une petite maison blanche et tranquille, située à Plomard, presque à la campagne. Là, ils trouvèrent enfin deux chambres et deux bons lits, où ils s'endormirent à point fermé, car ils étaient rompus de fatigue. Le lendemain, dès le fin matin, Jacques s'éveilla le premier et, à peine habillé, courut ouvrir sa fenêtre. La maison donnait sur le port de pêche, d'où montaient des cris d'enfants à travers les blanchâtres transparences de la brume. Dans le fond, le brouillard commençait à être moins dense, et de longs rayons de soleil caressaient de leur lumière rosée la paroi d'un mur de roche où serpentait un sentier escarpé que des laveuses remontaient avec leurs baquets pleins de linge. Peu à peu, le soleil buvait la brume et découvrait un adorable paysage de mer. Au-dessous d'un premier plan gazonneux dans un encadrement de hêtres et de frênes, la baie ruisselante de clarté s'étalait sous les yeux de Jacques. Une délicate nuance azurée en colorait la surface tranquille, tandis qu'au loin, une vapeur argentée en masquait encore la profondeur. Les houles de buées opalines rampaient au long des côtes et empêchaient d'en distinguer la gaze, mais les sommets des collines émergeaient en plein soleil, et à gauche, le double mamelon du Ménéum se détachait baigné d'une tendre couleur lilas. Des mouettes blanches planaient dans le ciel d'un bleu de turquoise et des voiles blanches couraient sur la mer qui s'azurait à chaque instant davantage. Jacques était ému et ébloui. Ses verdures trempant presque dans la mer, cette ville sortant de la brume, cette immense baie bleuissante, ces montagnes dorées, ce divin mirage des arbres, du ciel et de l'eau, c'était beau comme le plus beau rêve. Mais il n'était pas au bout de ses émerveillements. Tandis qu'il admirait cette baie si splendidement encadrée, la fenêtre voisine de la sienne s'ouvrit, et la jeune fille aux yeux couleur de noisette, le joli Chloé de la veille, se pencha à demi sur le rebord de granit. Ses cheveux crêplés et dénoués tombaient sur ses épaules et faisaient mieux ressortir la blanche rosée de son teint, la claire flamme de ses yeux et le rouge sourire de ses lèvres spirituelles. Sans se douter de la présence de Jacques qui se dissimulait de son mieux, elle avança encore un peu plus la tête, puis, levant les yeux vers une lucarne située immédiatement au-dessus de sa croisée, elle appela gaiement « Marie-Annick !»« Mademoiselle Renée, habille-toi, ma fille, tu sais qu'il nous faut partir de bonne heure si nous voulons arriver à Sainte-Anne pour la messe. Voulez-vous donc retourner au Pardon encore aujourd'hui ? Oui, cela m'amuse. Pourquoi ris-tu si haut, impertinente ? Parce que je me souviens que chez nous, il y a des pardons où on va en pèlerinage pour demander un mari, et que peut-être bien Sainte-Anne la Palude accorde les mêmes grâces, Marie-Annick. Je sais bien que mademoiselle est assez jolie pour que le mari vienne tout seul la trouver, n'empêche pas que ça ne coûte rien de demander. Tais-toi et prépare-toi, nous partirons à 8 heures. » À ce moment, Jacques jugea à propos de tousser et de se montrer. La jeune fille jeta un rapide coup d'œil vers la fenêtre voisine, reconnut le monsieur de la table d'hôte et se retira précipitamment. Jacques se hâta d'aller réveiller le chantre qui dormait profondément. « Debout !» lui cria-t-il. « Comment as-tu le cœur de dormir par un temps pareil ?»« Rien ne presse !» répondit l'autre en maugréant. « Où veux-tu aller si matin ?» À Sainte-Anne-la-Palude, où il y a un pardon. Or, les pardons amènent un concours de gens de tous les coins du pays, et nous ne pourrons manquer d'y avoir des renseignements sur le fameux manoir des Girondins. En route !» Une heure après, étendu dans une barque, il gagnait à travers la baie la petite rivière de Sainte-Anne. La mer était unie comme une glace et d'un beau bleu soyeux. Le voyage ne fut qu'une promenade. Après avoir gravi les berges de la rivière, Jacques et Francis entendirent des sons de cloche et virent la flèche de Sainte-Anne pointer dans la plaine. L'église est isolée dans une lande marécageuse qui domine la baie. De tous côtés, des troupes de pèlerins se dirigeaient vers le lieu du pèlerinage. Des paroisses entières, conduites par le recteur, débouchaient des chemins creux et défilaient processionnellement. Du plus loin que chaque procession apercevait le clocher de Sainte-Anne, hommes, femmes et enfants s'agenouillaient pieusement et entonnaient des cantiques. Plus on approchait et plus la ferveur redoublait. Des femmes, les bras en croix, faisaient 5 ou 6 fois, sur leurs genoux, le tour de l'église en balançant leur chapelet. À l'intérieur, des centaines de cierges s'allumaient incessamment autour de la statue de la Sainte. La nef était pleine, et ceux qui n'avaient pu y trouver place priaient au dehors, à 2 pas des tentes où l'on vendait du cidre, de l'eau-de-vie et des crêpes de blé noir. Tous les costumes de la Cornouaille se mêlaient dans cette foule dévote. À côté des bérets et des côtes tannées des marins, les vestes des gars de Pioaret, de Pont-Croix et de Locronan mettaient des taches de bleu clair. Les chapeaux ronds à large bord et à rubans de velours s'agitaient au milieu des coiffes de mousseline des sardinières de Douarnenez, des fraises tuotées de Quimper, des cols capuchons de Châteaulin ou des collerettes plissées des femmes de Concarneau. Ça et là, un homme de Pont-l'Abbé étalait fièrement ses vestes superposées où se détachaient des liserés de laine aux couleurs vives et parfois un saint-ciboire brodé dans le dos. Parmi cette bigarrure de costumes, les enfants grouillaient. les filles, habillées comme de petites femmes, les garçons, couvrant d'un béret bleu de leur tête frisée et montrant leur peau hâlée par les trous d'une culotte en lambeaux. Des mendiants, manchots, aveugles, cul-de-jattes, braillaient des complaintes bretonnes et se traînaient à travers la foule. Tout à coup, la cloche tinta de nouveau, les portes de l'église s'ouvrirent toutes grandes, et une longue procession défila dans la plaine. Ce furent d'abord des femmes aux collerettes empesées, tenant chacune un cierge allumé à la main, puis deux vieux bretons aux cheveux blancs, en veste bleue et en braie, battant avec conviction une marche religieuse sur leur tambour, puis la statue dorée de la sainte, portée par des filles en blanc et précédée de bannières. Le clergé venait ensuite, en tenant des litanies, et derrière, sur deux rangs, des files de paysans en montons ras, aux figures austères et énergiques. Tous les pèlerins épars dans les sentiers tombaient à genoux, et au roulement des tambours, au tintement des cloches, l'immense procession montait lentement vers le calvaire. Les silhouettes des coiffes blanches et des têtes nues se découpaient vigoureusement sur le fond glauque de la mer, tandis qu'un joyeux soleil faisait scintiller les joyaux de la sainte et empourprait brusquement des coins de bannière. Francis Le Chantre ne se sentait pas d'aise et amassait des trésors de croquis sur les pages de son album. Jacques, tout en partageant son enthousiasme, allait d'un groupe à l'autre et semblait chercher quelqu'un. Quand la procession eut défilé tout entière, ils s'en revinrent vers les tentes où commençaient à foisonner les buveurs de cidre, et ils essayèrent de lier conversation avec les paysans. Mais ils en furent pour leurs frais. La plupart du temps, on ne leur répondait qu'en breton, et leurs questions, au sujet du manoir qui donna asile aux Girondins, n'étaient accueillies que par des rires inintelligents et des haussements d'épaules. Dépités, ils s'acheminaient déjà vers la rivière, quand le chantre saisit brusquement son ami par le bras. « Mon cher, commença-t-il, attention, voici notre clouet. » Et lui montrait la jeune fille de la table d'hôte, accompagnée de sa servante en coiffe blanche et en collerette plissée. « Je savais qu'elle était au pardon, » répliqua Jacques en affectant un air indifférent. « Comment tu le savais ? Mais oui, si tu t'étais levé aussi matin que moi, tu aurais appris qu'elle habitait la même maison que nous et qu'elle devait aller à Sainte-Anne. » « Ah, mon gaillard, je m'explique maintenant pourquoi tu m'as jeté si rudement hors du lit. Ça m'est égal, je ne regrette pas d'être venu. Et moi donc ?» La jeune fille aux yeux noisettes et sa compagne semblaient décidées à s'en revenir à Douarnenez à pied, car elles avaient pris un chemin qui longe les falaises et côtoie presque tout le temps la baie. Jacques et son ami résolurent de les suivre. Elles allaient d'un bon pas, en dépit du soleil, et paraissaient toutes deux de bonnes marcheuses, habitués aux longues courses et au grand air. De temps à autre, au détour du chemin, les deux artistes apercevaient un bout de la coiffe blanche de la servante ou bien le chapeau de paille et l'envolement de la jupe de toile grise de la maîtresse, mais ils restaient à 20 pas en arrière et n'osaient trop s'avancer de peur de les effaroucher. « Elle est bien mignonne, » disait le chantre, « et je ne serais pas fâché de lier conversation avec elle. Je suis sûr qu'elle nous donnerait des renseignements sur le manoir. » Où nous devons dénicher ce clouet auquel elle ressemble. Ma foi, c'est trop bête, je me risque. » Ils avaient pressé le pas et marchaient maintenant presque de niveau avec les deux jeunes filles. Francis Le Chantre se détacha et mettant chapeau bas. « Pardon, mademoiselle, dit-il, si je me présente moi-même. Je sais bien que c'est contraire aux règles généralement adoptées et qu'une Anglaise trouverait cela shocking. Mais nous sommes en Bretagne et vous êtes française. » Je me permets donc de vous décliner mes noms et professions. Francis Le Chantre, peintre paysagiste, médaille de première classe, un des rares bons hommes qui connaissent encore la physionomie vraie et le ton juste de chaque arbre, et qui savent que le vers du hêtre ne chante pas de la même façon que le vers du chêne. Quant à mon ami, il se nomme Jacques de Vandière et il est poète de son métier. Nous nous en retournons tous deux à Douarnenez et nous demeurons, je crois, dans la même maison. S'il vous était agréable de nous accepter pour cavalier jusqu'à la ville, nous nous estimerions heureux entre les heureux et nous n'en admirerions que plus parfaitement le paysage, car on voit mieux la nature quand on chemine en aimable et spirituelle compagnie. » Cela avait été débité avec une telle volubilité que la jeune fille en restait ébahie. Tout en écoutant le discours de Le Chantre, elle avait cependant reconnu Jacques qui avait rougi imperceptiblement. Quand le peintre eut terminé sa harangue sur un ton de fanfare, un sourire malicieux courut sur les lèvres de la jolie châtaigne aux yeux noisettes. « No lavaret galec, je ne parle point le français, » répondit-elle de sa voix nette et mordante, puis, tournant brusquement le dos au paysagiste, elle hâta le pas. La servante en fit autant, et elles disparurent de nouveau au détour du chemin. « Il paraît qu'elle ne sait pas le français, » murmura le chantre déconfit en regardant son compagnon d'un air penaud. « Quel drôle de pays !»« Laisse donc !» s'écria Jacques dépité. « Elle s'est moquée de toi. Ce matin, je l'ai entendu jaser en bel et bon français. Seulement, tu l'as huri avec tes phrases à panache. Elle nous a pris pour des fous ou pour des commis voyageurs en goguette et nous a traités en conséquence. »« Que ne parlais-tu toi-même ?» répliqua le chantre vexé. « Nous aurions vu si tu t'en serais mieux tiré. » « Je n'aurais pas dit de bêtises, au moins. » Ils cheminèrent pendant un bon quart d'heure, froidement et silencieusement. Mais quand ils arrivèrent à la plage qui forme le fond de la baie et sur laquelle s'ouvre la vallée du Ry, le spectacle qu'ils eurent devant les yeux rasséréna leur humeur et ramena sur leurs lèvres des paroles de bonne camaraderie. À gauche, les falaises d'un jaune d'ocre couronné de gazon étaient baignées de soleil. Le Ménéum avait une auréole de buée lilas, et tout au loin, à l'entrée de la baie, on apercevait à peine distincte la pointe grise du cap de la Chèvre. À droite, les rochers d'un noir humide sortaient de l'eau lumineuse. Les futaies de ploirées, les chênes et les châtaigneraies en gradins, enlevaient au-dessus leur masse d'un vert foncé. Au-delà d'un bouquet de pins en parasol, penché au sommet d'une pointe rocheuse, il y avait comme un écroulement de verdure désordonné. Tout au fond, les maisons blanches et grises du port de Douarnenez semblait presque rejoindre l'île Tristan. On distinguait les bateaux de pêche alignés dans l'avant-port, avec les filets tendus entre les mâts comme des toiles d'araignée. Plus loin, on ne voyait plus qu'une nappe de mer verte, au-dessous d'un ciel bleu très doux, qui finissait par se fondre dans les vapeurs laiteuses de l'horizon. Ils restèrent en admiration devant ce paysage aux couleurs si fines et si constamment variées, et ne rentrèrent qu'après le soleil couché, en suivant le petit sentier en corniche qui côtoient les falaises dans la direction de Plomard. Le crépuscule était venu et ajoutait son mystère aux surprises de ce sentier charmant, plein de fleurs sauvages et de beaux arbres. Tantôt ils découvraient sous les chênes une fontaine alimentant un lavoir où des paysannes s'attardaient à tordre leur linge. Tantôt des masures dormant épars sous une haute futaie de hêtres. Quand ils regagnèrent leur maison de Plomard, la nuit était tout à fait venue. « Quelle est donc cette dame qui habite la chambre voisine de la mienne ?» demanda en rentrant Jacques à la propriétaire. « Ce n'est point une dame, c'est mademoiselle de Kerdouarnec. Est-elle ici pour longtemps ?»« Elle est partie, monsieur. »« Partie ?» répéta Jacques tristement. « Oui, monsieur, elle était venue pour le pardon de Sainte-Anne et elle est retournée chez elle. »« Et où est-ce chez elle ?»« Ah, dame, monsieur, vous m'en demandez plus que je n'en sais. C'est quelque part dans la lande, du côté de Pontcroix. »« Pontcroix ? » Elle demeure aux environs de Pontcroix, près du fameux manoir, répétait Jacques le lendemain, et elle est partie, sans que nous ayons pu lui parler. C'est ta faute aussi, le chantre. Tu avais bien besoin de l'effaroucher en lui faisant des charges sur la grande route. Si nous allions à Pontcroix, proposa le chantre, comme des chevaliers errants à la recherche d'une demoiselle enchantée. Nous vois-tu, frappant de porte en porte, pour demander aux gens, mademoiselle de Kerdouarnec, s'il vous plaît. « Non, mais nous pourrions au moins nous enquérir du manoir où se sont réfugiés les Girondins. »« Bah, les gens d'ici sont ignorants comme des carpes en fait d'histoire locale. »« Personne ne nous renseignera. »« Si fait, j'ai consulté là-dessus notre hôtel si elle m'a répondu « Allez voir les demoiselles Le Clinch. »« Elles vendent de tout et elles savent tout. » Cette conversation avait lieu derrière Ploaret, dans l'allée Sainte-Croix, où le chantre commençait une étude, tandis que Jacques lisait, assis sur les marches grises du calvaire. La sinueuse et mélancolique allée de Tremble prolongeait ses doubles files d'arbres et ses ornières herbeuses, déjà semées de feuilles blanchâtres, jusqu'à un massif de chênes d'où s'élançait le svelte clocher de granit de Ploaret. « Eh bien, soit !» s'écria Jacques. « Allons voir les demoiselles Le Clinch. » Ils plièrent bagages et redescendirent vers la ville. Douarnenez, partagé en deux par une longue rue en pente, mal pavée, bordée d'obscures boutiques et de logis aux façades noircies. Cette voie principale va toujours se rétrécissant jusqu'à l'embouchure de la rivière de Pouldavy et forme, comme l'épine dorsale de la petite ville, une place ornée d'une fontaine où stationnent des groupes de marins, de femmes et de paysans, coupent la grande rue par le milieu et c'est à l'angle de cette place que s'ouvre le magasin des demoiselles Le Clinch. Ces demoiselles, déjà mûres mais très alertes encore, vivaient là avec leur vieille mère. Comme l'avait dit l'hôtesse de Plomard, elles vendaient de tout, du tabac, de l'épicerie, des étoffes, des engins de pêche. Leur boutique sombre présentait un entassement bizarre de marchandises de toute nature, empilées sur les comptoirs, entassées sur des rayons, débordant jusque sur le seuil de la porte. Il y régnait un mélange d'odeurs d'épices, de goudron et de tabac qui vous prenait à la gorge. Au milieu de ce pêle-mêle de denrées coloniales et de coupons d'étoffe, les deux filles s'agitaient, servaient les clients, discutaient les prix et trouvaient encore le moyen de tailler un bout de causette avec les oisifs qui venaient flâner autour du comptoir où trônait la vieille mère entre deux bocaux de pipe. Tout en renouvelant leur provision de cigares, les deux artistes avaient accaparé l'attention de Mademoiselle Honoré, la plus intelligente et la plus expansive des deux sœurs, et l'avaient consultée sur les excursions à faire aux environs. Elle leur conseilla de visiter Locronan, Tréboul, la Lande Saint-Jean, la Pointe du Raz. « On nous avait parlé, hasarda sournoisement le chantre, d'un vieux manoir, où en 1793, deux députés girondins se sont réfugiés. Savez-vous où c'est, mademoiselle ?»« Non, mais ma mère, qui a connu des gens de ce temps-là, pourra peut-être vous renseigner. Maman, est-ce qu'il n'y a pas, près de Pont-Croix, un manoir où ont demeuré des députés de la Convention en 93 ?»« Attendez donc, » répondit la vieille en se frottant les sourcils. « J'ai entendu autrefois parler de quelque chose comme ça. » »« Ça a dû se passer à Kervenargan. » »« Et où se trouve Kervenargan ?» demanda Jacques. « Dans la lande, au-delà de Tréboul, entre Boulon et Saint-Bezec. » »« C'est le manoir de Mademoiselle de Kerdouarnec, » ajouta Mademoiselle Honoré. « Mademoiselle de Kerdouarnec, vous la connaissez ?» s'écria Jacques avec un battement de cœur. « Oui, nous sommes un peu cousines. Et si vous désirez visiter Kervenargan, je puis vous donner un mot de recommandation. Venant de notre part, vous serez bien reçu par René et par l'oncle et la tante avec lequel elle habite. » Inutile d'ajouter que le chantre et de Vendière acceptèrent avec empressement et que le lendemain matin, munis de la lettre de recommandation des demoiselles Leclinch, ils montaient gaiement dans le bac de Tréboul. Chargé de paysannes et de sardinières, le bac traversait lentement la rivière de Pouldhavy. Les deux amis sautèrent sur les degrés ruinés d'un escalier de granit qui mène à la chenée de Tréboul, et contournant le petit port de ce village, ils longèrent la falaise jusqu'au hameau de Saint-Jean. À partir de cette paroisse, le paysage changeait de caractère. Une solitude silencieuse et grave s'étendait devant eux, harmonisant ses lignes et ses teintes austères avec la majesté de l'océan. C'était la lande. Montueuse, coupée de brusques ravins et d'abrupts escarpements, elle déroulait pendant des lieues ses ondulations d'un vert violacé, semé de blocs de granit et bordé à droite par des entassements de rochers que lavaient les flots de la baie. Partout le sol était couvert d'une épaisse végétation de bruyères, d'ajoncs, de fougères, où des ronces et des chèvrefeuilles confondaient leur floraison rose et jaune pâle. Dans les ravins, des sources invisibles murmuraient sous les broussailles et continuaient leur discrète chanson jusqu'à la mer. Parfois la source devenait ruisseau, son eau claire s'épanchait dans des réservoirs bordés de pierres plates, avec un bout de prairie et une ceinture d'iris alentour. Pas un village, seulement, de loin en loin, un toit de métairie, caché dans un massif d'arbres roussis et rasé par le vent du large. Le chemin parfois disparaissait, ou plutôt des centaines de sentiers lui succédaient. Étroits sentiers capricieux, ne menant nulle part, frayés au hasard par les petits pâtres qui poussent leurs vaches dans la bruyère. Ça et là, un bouquet de pins aux cimes aplaties faisait ressortir mieux encore la nudité de cette solitude aux lignes simples et grandioses. Jacques et Francis commençaient à se demander s'ils ne s'étaient pas trop aventurés dans ce désert et s'ils suivaient le bon chemin. Ils interrogèrent successivement un petit pâtre qui décampa dès qu'ils ouvrirent la bouche et une vieille femme occupée à arracher des ajoncs. « Kernevargan ?» lui cria le chantre. Elle le regarda d'un air ahuri, puis d'une voix gutturale répéta la phrase sacramentelle « Non laveret galec !»« Au diable !» moqua Francis. « Il faudra décidément que j'achète une grammaire bretonne. » Un peu plus loin, ils rencontrèrent un paysan au chapeau à large bord et à la veste bleue qui se profilait sur le ciel au sommet d'une crête. Même question. L'homme ne desserra pas les lèvres. Il se contenta de tendre le bras avec une gravité majestueuse et de désigner un point de l'horizon. Ils se remirent à marcher dans la direction indiquée, et après 100 détours à travers les ajoncs, ils atteignirent un menhir qui dressait au sommet d'un plateau sa tranche de granit haute de 5 mètres, taillée en amande et couverte d'un lichen jaune. N'en pouvant plus, ils s'assirent au pied du monument celtique et soufflèrent un moment en ouvrant de grands yeux pour mieux jouir du spectacle offert. Une douce paix lumineuse tombait sur la lande et l'on pouvait admirer à loisir les délicates colorations de la terre et de l'eau. Le bleu sombre et velouté de la montagne du Locronan, le lilas rosé du Ménéum, les nuances vert argenté et gris bleuté de la mer. La bête est enveloppée d'une brume blanche, doucement ensoleillée, et quand le brouillard s'enlevait un moment, on apercevait entre deux buées les voiles des barques, les unes d'un blanc éclatant, les autres d'un rouge orange glissant sur l'eau moirée. Après une heure de repos, les deux compagnons se remirent en marche. Ils commençaient à se sentir affamés, et le désir d'un dîner encore problématique leur donnait des forces. « Songe, disait le chantre à Jacques, qui tirait la jambe, songe que là-bas, dans un coin de cette sauvagerie, une omelette au lard et peut-être aussi un clouet nous attendent. » Néanmoins, il commençait à désespérer quand tout à coup, au beau milieu de la lande, voilà un pli de terrain qui dévoile en pente, puis, au bas de cette pente, une quadruple avenue de vieux hêtres qui enfonce au loin sa vague obscurité. Ils s'engagèrent dans cette majestueuse allée et au bout d'un quart d'heure, débouchèrent devant la façade grise d'un haut mur encadré de deux tourterelles au toit en étain noir. Le mur, tapissé de fougères et de pariétaires, était percé de deux portes à ogives tréflées, l'une cintrée et spacieuse pour les voitures, l'autre étroite et basse pour les piétons. Une frêne colonnette de pierre, feuillagée et fleurie, séparait ces ouvertures et se terminait elle-même par un trèfle flamboyant. Un gamin gardait les oies sous les hêtres. « Où sommes-nous ici ?» demanda Jacques en lui mettant une pièce de monnaie dans la main. « À Kervenargan, » répondit le pâtre auquel la vue de l'argent délia soudain la langue. « Dieu soit loué !» murmura le chantre. « Pourvu maintenant qu'on ne nous jette pas honteusement à la porte !» Ils sonnèrent timidement, et ce fut la jeune fille aux yeux couleur noisette qui vint elle-même leur ouvrir. Elle était vêtue de sa même robe grise au corsage bouillonné et coiffée du même large chapeau de paille. À l'aspect des deux amis, elle commença par rougir, puis un sourire courut sur ses lèvres malicieuses. « Que demandez-vous, messieurs ? » dit-elle de sa jolie voix argentine. « Mademoiselle de Kerdouarnec, c'est moi. » « Nous sommes chargés, mademoiselle, reprit Jacques de Vaudière, de vous remettre cette lettre de la part de mademoiselle de Clinch. » Elle prit le billet, le parcourut rapidement et sa physionomie s'éclaira. « Entrez, messieurs, vous êtes les bienvenus. »« Mademoiselle, s'écria le chantre, touché de cet accueil hospitalier, vous me voyez confus. J'espère que vous me pardonnerez mes sottises de l'autre jour. Mais vous parlez donc quelquefois le français. Oui, monsieur, toujours avec mes amis, et avec ceux que mes amis me recommandent. » Quel gai et cordial dîner firent Jacques et Francis entre René de Kerdouarnec et l'oncle et la tante, deux bons vieux aux figures patriarcales. La salle à manger, blanchie à la chaux, décorée de ces antiques buffets à clous de cuivre jaune qu'on fabrique à Pontcroix, ouvrait sur une cour tapissée de vignes. Entre les pampres, les rayons du soleil couchant jetaient une lumière rose sur la nappe blanche, où Marianic apportait des côtelettes d'agneau, une volaille rôtie, le beurre battu le matin même et des crêpes bouillantes. Et René causait gaiement, et les deux vieux, heureux de la gaieté de leur petite nièce, contaient longuement de pacifiques histoires du temps passé. Au dessert, le grand-oncle Kerdouarnec annonça aux artistes qu'ils étaient ses hôtes et qu'ils coucheraient au manoir. Après le dîner, on alla se promener au jardin. Ce jardin n'était guère qu'un fouillis sauvage, mais quel charmant fouillis ! Dessiné à l'ancienne mode, avec des allées droites qui le partageaient en quatre carrés bordés de buis, un cadran solaire au centre et une charmille centenaire au fond. Il était plein de plantes, de toute provenance, poussant à la bonne aventure. Sarriettes et jasmin, pieds d'alouette et lys de jersey, fenouil et camélia, poiriers chargés de lichens et vignes échevelées. Toutes ces plantes exhalaient un bon parfum d'automne, et les odeurs attiédies des roses et des citronnelles mettaient au cœur du poète, Jacques, un délicat germe d'amour qui verdissait et s'épanouissait à mesure qu'il regardait les yeux bruns et les lèvres souriantes de René de Kerdouarnec. Quant à Francis le chantre, il ne se sentait pas d'aise, et pour mieux marquer son allégresse, il tirait un feu d'artifice de métaphores et d'ingénieuses comparaisons. En même temps, la langue lui démangeait de parler du fabuleux Clouet. À la fin, il n'y put tenir, et profitant de ce que la jeune fille causait peinture avec Jacques, il lui demanda « Ne possédez-vous pas quelques anciens tableaux au manoir ?»« Un seul, » répondit-elle, un vieux portrait qui est dans la famille depuis plus de 100 ans. « Un clouet !» s'écria Francis qui exultait. « Je ne sais pas ce que c'est. Il représente une jeune femme et il est si finement peint que je l'ai pendu dans ma chambre. Je vous le montrerai demain. » Quand ils eurent gagné le dortoir qu'on leur avait préparé dans une des tourelles, Jacques et Francis faillirent tomber dans les bras l'un de l'autre et leur enthousiasme partit comme un bouchon de champagne. « C'est un rêve !» s'exclamait Francis. « Nous piétinons en plein roman. » « Elle est charmante !» répliquait Jacques. « Charmante, d'accord, mais le clouet, mon cher, voilà qui est merveilleux !»« Le clouet, d'abord, en est sain. Et puis t'imagines-tu que ces braves gens vont te le vendre ?»« Laisse-moi faire, j'ai mon idée. » »« Du reste, ça m'est égal. Je donnerai tous les clouets pour un baiser sur les doigts mignons de Mademoiselle de Kerdouarnec. » Ils dormirent mal, et chacun d'eux rêva aux choses qui lui tenaient le plus au cœur. Francis au portrait de Marguerite de Valois et Jacques aux yeux couleur noisette. Le lendemain matin, quand ils descendirent dans la salle à manger, ils y furent rejoints par Mademoiselle de Kerdouarnec portant le mystérieux tableau. Il était peint sur panneau et avait la dimension du portrait d'Élisabeth d'Autriche, qui est au Louvre. Si l'on ne pouvait affirmer sûrement qu'il avait été exécuté par François Clouet, il était du moins du même temps et de la même école. Il représentait une toute jeune femme, en buste et vue de trois quarts, avec un haut corsage bouillonné, coiffé de légers frisons blonds relevés sur les tempes, avec des pierres précieuses semées dans les cheveux. Je ne sais si c'était réellement la portraiture de Marguerite de Valois, mais elle ressemblait d'une façon surprenante à Mademoiselle de Kerdouarnec. Même ovale délicat, même teint et mêmes yeux bruns clairs, même sourire enfin, plein d'enjouement et de malice. Savez-vous qu'en croirait voir votre sœur aînée ? Murmura Jacques. « On me l'a déjà dit, avoua ingénument Mademoiselle de Kerdouarnec, et à force de vivre en face de cette peinture, je me suis si bien identifié avec elle que j'ai emprunté à la dame du portrait sa coiffure et la forme de son corsage. Je crois que c'est cela, surtout, qui aide à la ressemblance. » Pendant toute la journée, Francis ne parla plus que du clouet, et Jacques ne pensa plus qu'à René de Kerdouarnec. Il ne la quittait guère, du reste, ni l'un ni l'autre. Seulement Francis, qui avait tout son sang-froid, se montrait plus empressé et plus communicatif, dévidant avec entrain toute une bobine de compliments lyriques, tandis que Jacques, comme tous les gens qui sont sérieusement épris, demeurait mélancolique et peu expansif. René, toujours souriante, mais plus songeuse que de coutume, les examinait tous deux alternativement, étonné et même un peu dépité peut-être de trouver l'un si bavard et l'autre si renfermé. Au bout de 3 jours, malgré le charme qu'il retenait à Kervenargan, les deux amis comprirent qu'ils ne pouvaient abuser de l'hospitalité de Mademoiselle de Kerdouarnec, et un matin, ils annoncèrent qu'ils comptaient prendre congé de leurs hôtes dans la soirée. Au milieu de l'après-midi, Francis profita sournoisement de ce que Jacques causait avec les vieux parents pour se glisser dans le jardin où il avait aperçu René occupé à cueillir des roses. Il s'approcha d'elle, de l'air à la fois inquiet et décidé de quelqu'un qui vient de prendre une grande résolution. « Mademoiselle, lui dit-il, avant de partir, je viens au nom de mon ami et au mien vous adresser une requête qui vous paraîtra peut-être indiscrète. » La jeune fille tressaillit. Il remarqua qu'elle avait les yeux moins limpides que de coutume et que son malicieux sourire s'était envolé. « Voici, continua-t-il en prenant son courage à deux mains. Voudriez-vous nous vendre le portrait que vous m'avez montré ?» répondit-elle, surprise. « Ce tableau appartient à mon grand-oncle et c'est à lui que vous devez adresser votre requête. »« Oh !» répondit Francis. « J'ai cru remarquer que vos grands-parents ont pris l'habitude de faire tout ce que vous voulez. Et si vous consentez à nous céder le portrait, ils ratifieront certainement le marché. »« En ce cas, monsieur, » répliqua-t-elle piquée, « puisque vous êtes si perspicace, vous avez dû voir aussi que je tenais beaucoup à ce portrait. Je serais désolé de m'en séparer. » Les choses pourraient s'arranger, insista-t-il avec un air fin. Peut-être y aurait-il un moyen de le céder à l'un de nous sans toutefois vous en séparer. Qu'entendez-vous par là ? Murmura-t-elle en rougissant. J'ai une seconde proposition à vous adresser. Je connais un garçon qui a une jolie position de par le monde, qui gagne, bon an mal an, 20 000 francs et qui vous aime passionnément. Vous déplairait-il de l'épouser ? Quoi ? Balbutia-t-elle au milieu d'un éblouissement. « Monsieur de Ventière vous a chargé ?»« Jacques, » interrompit-il stupéfait. Il n'eut pas le temps d'en dire plus long, elle s'était enfuie, toute troublée et avec un pouce de rouge sur la figure. Il resta penaud. C'était à Jacques qu'elle pensait, soupira-t-il, décontenancé. Puis, la réflexion venant, il ajouta en son par-dedans, « J'allais faire un pas de clair assez coquet, moi, en essayant de couper l'herbe sous le pied de ce pauvre vendière, morbleu. Soyons bons camarades, et allons prévenir Jacques que c'est pour lui que le four chauffe. » Mais quand il rentra dans la salle à manger, il n'y trouva plus Jacques de Vendière. Le poète avait vu Mademoiselle de Kerdouarnex sortir du manoir et se diriger vers le chemin de la lande, et il l'avait suivie afin de prendre congé d'elle. Il la rejoignit à la lisière d'un petit bois de chêne vert, dont on apercevait la mer poussant ses vagues blanchissantes jusqu'aux anfractuosités des rochers couverts de vieux arbres échevelés. « Mademoiselle, commença-t-il d'une voix un peu étranglée, nous en êtes obligés de vous quitter car il se fait tard. Mais avant de partir, permettez-moi de vous remercier de votre hospitalité si affectueuse et si cordiale. Laissez-moi vous dire que j'emporte de Carnavargan un souvenir qui ne s'effacera plus. » Elle restait silencieuse et marchait à côté de lui, les yeux baissés et tordant nerveusement des brins de genêt. Elle semblait croire que Jacques avait encore quelque chose à lui dire, et elle avait l'air d'attendre qu'il achevât. Mais il était redevenu taciturne, et ils poursuivaient leur chemin côte à côte dans la lande solitaire. « Monsieur, reprit-elle enfin sans lever les yeux, votre ami m'a confié que vous désiriez vivement avoir le portrait qui est chez moi. Prenez-le, j'ai le plus grand plaisir à vous l'offrir. Ah ! S'exclama-t-il violemment ému. « Ce n'est pas le portrait que je voudrais garder, c'est celle qui lui ressemble. »« Pardonnez-moi, » continua-t-il confus. « Je ne comptais pas, je n'osais pas vous en parler. Mais c'est plus fort que moi, je vous aime. »« Je le savais, » murmura-t-elle en tordant plus fort les brindilles de genêt dans ses doigts. « Vous le saviez, vous l'aviez deviné ?»« Votre ami me l'avait dit, » répliqua-t-elle ingénument. « Et vous consentez à devenir ma femme ?» s'écria-t-il en lui baisant les mains. « Oui, mais pourquoi ne me l'avez-vous pas demandé vous-même » Ils avaient repris lentement le chemin de la Chenaie, déjà embrumé par le crépuscule, et où les grands murs tombaient de temps en temps avec un bruit léger. La tranquillité du soir descendait sur la lande, et l'air était si calme qu'on entendait au loin la sourde respiration de la mer. Ils étaient si absorbés dans leur bonheur qu'ils ne virent pas le chantre qui accourait vers eux à grandes enjambées. « Eh bien, » cria-t-il essoufflé à Jacques, « tu t'oublies, voici la brune, nous ne serons rentrés à Douarnenez qu'à la nuit close. »« Je ne pars plus, » répondit le vendière, et prenant la main de René, il ajouta, « Je te présente ma fiancée. » En même temps, il serrait le bras de Francis et lui murmurait à l'oreille, « Merci, mon brave. »« Merci, de quoi ?» murmurait l'autre, ahuri, puis il soupira, mélancoliquement, « Ainsi, tu m'abandonnes. Tu me laisses retourner seul à Douarnenez. »« D'abord, vous ne partirez que demain, monsieur le chantre, » dit René de Kerdouarnec. « Et puis, » poursuivit-elle, non sans une pointe de malice, « consolez-vous. Nous vous donnerons le portrait comme cadeau de noces. » Ainsi s'achève le portrait par André Theuriet.